Toujours en Corée, la cérémonie d'inauguration des écoles primaires et secondaires de Chongjin pour orphelins a eu lieu le 2 mai. Y ont pris part les cadres intéressés, le personnel des écoles, les orphelins, les constructeurs, les volontaires et les travailleurs de la ville de Chongjin. Les écoles érigées à l'arrondissement de Lanam de la ville de Chongjin de la province du Hamgyong du Nord sont dotées des conditions suffisantes de l'enseignement et de vie, comme le bâtiment possédant la salle d'historique, les classes multifonctionnelles et informatisées, la salle de l'organisation des enfants et le laboratoire, ainsi que le pensionnat, le gymnase et la piscine à ciel ouvert. Après la cérémonie d'inauguration, les cadres et les travailleurs ont félicité les orphelins pour leur nouvelle école.